Bonjour et bienvenue pour le numéro 2 du podcast Movies Nerd, enregistré le 27 septembre 2013. Que s'est-il passé ce mois-ci sur la planète cinéma? Vous allez le savoir maintenant. C'est parti. Scene 1, Apple, take 1. Ce numéro du 27 septembre 2013 du podcast Movies Nerd. Je suis votre hôte à travers ce podcast, Axel. J'ai avec moi mon invité du mois dernier qui, entre-temps, est devenu, on ne sait pas pourquoi, ma co-hôte. On se demande, hein. C'est bizarre. Hein. Ouais, donc Roxane, ma sœur, hein, que je déteste. Ouais, moi aussi je te déteste. C'est pas grave. À part ça, c'est la rentrée, donc on n'a pas eu on n'a pas trop eu le temps de voir trop de films. Pour vous aussi, on suppose que ça n'a pas été facile. Mais on a quand même du contenu pour cette émission. Hein. D'ailleurs, vous pouvez entendre que par rapport à la dernière fois, j'ai une voix d'animateur radio. Parce que je parle tout près du micro, comme ça. Voilà. Donc, on a changé de micro, ce qui est... qui donne une meilleure qualité sonore, très appréciable, enfin on l'espère, et donc maintenant on va partir pour le sommaire. On va commencer avec les news cinéma du mois, ensuite ce sera la critique d'un classique, Looking of Movies, le film du mois. Pas de rubrique nous attend ce mois-ci puisque c'est une rubrique qui sera faite tous les deux mois, comme je l'ai dit la dernière fois. La bande-annonce du mois, la minute nerd, et ensuite la fin, malheureusement. Pas la fin. Ouais, pas la fin, c'est trop triste. On est parti pour la première rubrique, les news. Qu'avez-vous manqué dans le monde cinématographique ce mois-ci? L'équipe Movies Nerd est là pour vous tenir informés des dernières news et rumeurs dans la rubrique News Cinéma du mois. Première news, après avoir marqué le cinéma et les geeks, pour toujours avec ses brillantes interprétations de Gandalf dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, ainsi que Magneto dans les trois premiers X-Men, et dans le prochain film de la deuxième trilogie X-Men, l'acteur anglais Ian McKellen s'attaque à un autre mythe, Sherlock Holmes, le vénérable sœur qui fut anobli par la reine Elisabeth II au début des années 90, jouera le détective le plus génial et british. Le film sera une adaptation du roman A Slight Trick of the Mind de Mitch Cullin et non du sir qui créa le personnage de Holmes, Sir Arthur Conan Doyle. Le film est produit par BBC Film qui est en fait c'est comme si un film ici en France serait produit par TF1 et sera réalisé par Bill Condon. Le tournage devrait débuter au mois d'avril au Royaume-Uni. Qu'est-ce que tu penses, toi, d'un Ian McKellen en Sherlock Holmes? Je pense que c'est plutôt une bonne idée. Il peut incarner le rôle avec beaucoup de prestance. J'ai envie de voir ce que ça va donner. Oui, moi aussi. Je pense qu'il pourra très bien le jouer. Hey, creepy. Isn't the schoolgirl thing a little played out? Deuxième news. Dans un souci de parité, le studio Marvel a laissé croire à une éventuelle sortie d'un film qui aura comme personnage principal une super-héroïne. Et cela est dû à une demande de plus en plus importante d'enfin voir une fille tenir les rênes d'un film Marvel. Le studio avait déjà tenté en 2005 avec Elektra, mais ce fut un échec cuisant, comme le dit Axel. On espère que ce film sera de meilleure qualité, tout en ne sachant pas encore quelle super-héroïne sera mise à l'honneur. Donc toi, t'espères voir quelle super-héroïne de Marvel ? Alors franchement, je suis pas très au courant des super-héroïnes de Marvel. Enfin, je suis un peu plus un fan de DC. Bon, c'est sûr que si on me demandait pour DC, je voudrais un film sur Wonder Woman ou Batwoman, Batgirl, ou même Supergirl, ça pourrait être sympa. Mais en DC, je vois pas trop qui pourrait bien incarner la chose. Je les trouve un peu trop transparentes, on les voit pas assez. Il y a que des mecs à Marvel. Là. Qu'est-ce qui se passe, Marvel? Ah tiens, j'ai oublié, Spider-Woman, même si c'est la moins transparente des super-héroïnes pour moi, pour ma part. I'll be back. Troisième news. Alors que Thor 2 sortira à la fin du mois d'octobre, Alan Taylor, qui a aussi réalisé certains épisodes de Game of Thrones, est actuellement en négociation avec Paramount Pictures pour lancer la franchise Terminator. On sait que Schwarzy fera son retour dans ce film, mais on ne sait pas encore dans quel rôle. Moi, j'aimerais franchement... Normalement, ils ont annoncé que ça devrait être un rôle de scientifique, parce que si on suit la logique... quand ça se passera dans le futur, et normalement celui qui a créé les Terminators, donc ceux avec la face de Schwarzenegger dans les années 80, eh ben il avait cette face, donc normalement il devrait Schwarzenegger devrait être un scientifique, ce serait assez marrant. Enfin, si le réalisateur nous a fait un Terminator de la même manière qu'il a l'air d'avoir adopté sur Thor 2, le film s'annonce plutôt bien. Vous imaginez Schwarzy? Ah non, pas le fourmont, l'arrête! Et une blague raciste, une. Je suis désolée, je m'excuse auprès de tous les Autrichiens qui regardent ce podcast, enfin qui écoutent ce podcast. Écoute. Excusez-moi, je suis désolée, c'était complètement déplacé. I'm too old for this shit. Quatrième news, c'est terminé, ou presque. Hayao Miyazaki, qui a fait entre autres Princesse Mononoke, Mon voisin Totoro, Le château dans le ciel et Le voyage de Chihiro, prend sa retraite à 72 ans. Pas d'inquiétude pour les fans. Le maître de l'animation japonaise a seulement décidé d'arrêter les longs métrages. Il continuera à travailler au moins 10 ans de plus, selon ses dires. Son dernier long métrage, Le vent se lève, a été projeté à la Mostra de Venise. Ben, personnellement, j'ai vu un film de lui, c'était Le château dans le ciel quand j'étais petite. Franchement, j'en ai gardé un bon souvenir. Moi, j'en ai pas vu, mais il faut que je répare cet affront que j'ai fait au maître. Donc, prochainement, je vous verrai dans Looking, enfin, vous écouterez dans Looking of Movies que je me ferai toute la série Hayao Miyazaki et je ferai sûrement quelques critiques sur le blog. Il y a plutôt intérêt. Cinquième news. James Cameron a annoncé dans un canard américain que Gravity est le meilleur film sur l'espace jamais réalisé. Quand c'est James Cameron qui le dit, c'est sûrement que c'est vrai. D'autre part, Alfonso Cuarón, qui est le réalisateur du film et aussi de Children of Men, lui aussi est content du résultat final du film, mais il ne veut pas entendre parler d'une suite, car il en a bavé pour pouvoir trouver un financement auprès du grand capital d'Hollywood, qui préfère mettre son argent dans des suites ou des reboots / remakes pour s'assurer de faire du profit, plutôt que de parier sur des projets originaux. Et le fait de se retrouver sur une si grande superproduction lui a plu, mais l'a épuisé, et a même déclaré « Les films sont mon moyen de survie, et Gravity était une erreur de calcul en termes de temps. Ce n'est pas le meilleur investissement que j'ai fait. » On parlera de ce film en détail plus loin dans l'émission. I came here to save you. Oh yeah? And who's gonna come to save you? Sixième news. Alors que Thor le monde des ténèbres va bientôt sortir en salle, Alan Taylor, qui l'a réalisé, nous apprend qu'il a demandé à l'aide de Joss Whedon, qui a fait entre autres Buffy contre les vampires, Firefly et Dr. Horrible Sing-Along Blog, que je vous recommande chaudement, pour réécrire quelques scènes du film. Selon Taylor, les scènes réécrites par Whedon étaient juste bien meilleures et plus légères. Elles étaient plus fun et plus inattendues que ce qu'ils essayaient de faire. D'ailleurs, Whedon, c'est lui qui a fait Avenger, donc je pense qu'on peut lui faire confiance à un niveau scénario. On est impatient de voir ce film. I hate how fake Hollywood is. Septième news. Alors que l'on annonçait le mois dernier que Leonardo DiCaprio voulait refaire un film sur la série de Twilight Zone, la quatrième dimension en français, on apprend ce mois-ci qu'il a pour projet avec la Warner de rebooter le film et surtout le chef-d'œuvre qu'est le roman de H.G. Wells, qui a fait La Guerre des Mondes, L'Homme Invisible, enfin des chefs-d'œuvre quoi, de science-fiction. Et d'ailleurs, je vous recommande si vous n'avez pas lu ces bouquins de les lire, enfin si vous êtes fan de science-fiction, c'est vraiment super bien, surtout pour quelque chose qui a été écrit au 19e siècle, c'est quelque chose d'assez impressionnant pour l'époque. Donc Leonardo DiCaprio, il veut refaire un film sur l'île du docteur Moreau, dont il y avait une parodie faite par les Simpsons d'ailleurs, qui était dans un spécial Halloween, qui était très très bien faite. Donc l'histoire à peu près c'est l'île d'un docteur qui transforme les gens qui vont dans cette île en animaux. basiquement c'est ça, donc voilà. Mais il y avait eu un film qui avait été fait avant de ce bouquin dans les années 80, mais qui a vraiment été parmi les tournages les plus maudits des dernières décennies. C'est un film qui devait être au départ réalisé par Richard Stanley, qui a été éjecté au bout de 3 jours de tournage, et après qui se balade incognito sur le plateau sous un masque. Il est excellent ce mec. L'aventure vira très vite au naufrage collectif avec un Val Kilmer plus ingérable que jamais, un Marlon Brando à la dérive après le suicide de sa fille Cheyenne, et une production on ne peut plus chaotique, interruption, réécriture de scénario, départ, ambiance électrique. Ce serait pas mal enfin, j'ai jamais vu le film original, d'ailleurs le bouquin, il faut que je le lise, hein. Je l'ai pas encore lu, honte à moi, faire un... Déjà, l'histoire, je la trouve super bonne, donc s'ils pouvaient refaire un film qui soit décent, ça pourrait être bien. Big man in a suit of armor. Take that off, what are you? Genius, billionaire, playboy, philanthropist. 8e news. On se devait de parler du premier trailer d'Avenger 2, Age of Ultron, qui est enfin sorti sur la toile, car les spectateurs présents au Comic-Con de San Diego 2013 avaient eu le privilège de pouvoir voir ce trailer d'une minute en avance par rapport à nous, pauvres gens d'Internet. Mais le mal est réparé depuis le 26 septembre. Dans la bande-annonce, nous avons une vision d'à peu près une minute d'un casque que l'on pense être celui d'Iron Man, mais plus la vidéo avance sur une bande audio des personnages principaux qui parlent, plus le casque s'éloigne du design du dit casque et jusqu'à la fin, où il nous dévoile le casque / masque d'Ultron, le grand méchant annoncé dans cet opus. On vous conseille par ailleurs de voir la bande-annonce. Qui est pas mal, mais bon, c'est un petit trailer de... On voit rien, quoi. On voit juste un masque et des gens qui parlent. Enfin, on entend des gens qui parlent, voilà. You know who I am? I've seen you before. You're the asshole on TV. 9e news. Dans les news qui ont secoué dans un mauvais sens l'internet et toute la communauté geek en général, ce fut une photo publiée sur l'Instagram du merveilleux, entre parenthèses, chanteur Justin Bieber, qui le montre en possession d'un script du prochain Superman, dont nous avions beaucoup parlé durant le dernier podcast. Cette photo laissait supposer que le chanteur puisse jouer le rôle de Robin. En parlant de Robin, je voulais parler... spoiler alert pour ne n'écoutez pas pendant 30 secondes pour Dark Knight Rises. En fait, à la fin, on apprend que Gordon là, je sais plus comment il s'appelle, je m'en fiche un peu. C'était Robin, mais quand il dit son nom, il dit je m'appelle Robin. Mais en fait, Robin, il s'appelle pas vraiment Robin, il s'appelle Dick Grayson. Ou ça dépend, mais le premier s'appelait Dick Grayson. Donc c'était un peu du foutage de gueule, je trouvais, et j'étais un peu sur le cul. Mais bon, on repasse à Justin Bieber. Cette photo a mené à une guerre acharnée entre d'un côté les Beliebers qui rêvaient de voir leur star jouer un Robin Hood tout dark, le tout porté par les mélodies mielleuses du chanteur, et l'autre les vrais fans de Batman comme moi qui ont vu leur électrocardiogramme tomber à plat à l'annonce de la news. Depuis, on ne sait toujours pas si cela est vrai ou non, bien que ce soit peu probable, car ce genre d'informations ne sont jamais révélées de la sorte, et si c'était le cas, Bieber aurait cramé directement sa chance de pouvoir jouer le sidekick de Batman. Donc, wait and see, on verra bien. Mais franchement, Justin Bieber, s'il est dans le film, j'ai plus d'espoir pour le film, quoi. Franchement, j'ai pas du tout envie de voir Justin Bieber jouer Robin, parce que là, ce serait vraiment... On va se tirer une balle, ça va être horrible. That's a lot of fish. 10e news. Dans une récente interview, Roland Emmerich, ou Emmerich, c'est comme vous voulez, qui a fait Independence Day, a annoncé être allé voir la MGM, qui détient actuellement les droits de la franchise Stargate. Dont je suis personnellement fan, voilà. Ouais, j'ai vu que le film, un film, je sais pas lequel c'était. C'était le premier, mais le film suit après, enfin, les séries suivent après, donc Stargate SG-1, Atlantis et Universe, je crois, mais cela n'était pas terrible. Honte sur moi, je n'ai jamais vu la série, il faut que je m'y mette absolument. Elle est trop bien. Si vous ne l'avez pas vue d'ailleurs, je vous la conseille, hein. Mais regardez d'abord le film. Bref, et il est. Roland Emmerich a ainsi parlé d'une nouvelle trilogie cinématographique qu'il poursuivrait ou rebooterait, le premier film Stargate original qu'il a réalisé en 1994. Il a aussi dit que s'il refaisait un ou plusieurs films Stargate, il ne tiendrait pas compte des séries qui suivirent le film original. Pour moi, c'est une erreur parce que l'univers Stargate avec les séries ont tellement été agrandis que je vois pas comment ils pourraient revenir en arrière sur une mythologie aussi grande. Mais bon, j'attends de voir ça. Mais depuis Independence Day, Roland Emmerich, pour moi, c'est de la merde. Hein. Il fait que de la merde. Hein. Le jour d'après, 2012, enfin voilà. Godzilla, alors là, ça c'est de la bonne merde. Hein. Regardez ça si vous êtes bourré, je sais pas, mais ça peut être marrant. Mais... Godzilla, c'est marrant pour ouais, un bon petit nanar, et encore, c'est insultant pour la série de films. Première Flash News. Marvel a dévoilé la date de sortie française de Ant-Man, dont on vous avait déjà parlé le mois dernier. Dirigé par Edgar Wright, il sera projeté dans les salles obscures le 5 août 2015. Deuxième Flash News. Jurassic Park 4 change de titre pour devenir Jurassic World. Il sera filmé directement en 3D, ce qui veut dire que la 3D ne serait pas ajoutée en post-production. Ça a été filmé comme le Hobbit. Hein. Ceux qui sont intéressés à la production de The Hobbit, enfin la trilogie, c'est la même chose. Jurassic Park World, il sortira aux US le 12 juin 2015. Troisième Flash News. Une annonce du casting par Warner Bros. A laissé entendre qu'il serait à la recherche d'une actrice physiquement forte, âgée de 25 à 35 ans, pour jouer un rôle important dans Man of Steel 2. Il n'en fallait pas plus pour alimenter la rumeur qu'une Wonder Woman dans le prochain Superman sur Internet. Cela reste une rumeur, mais on ne manquera pas de vous tenir informé des suites de cette annonce. Quatrième Flash News. Robert Zemeckis, qui a fait entre autres Forrest Gump et Retour vers le futur. Hein, mais tant d'autres choses. Évidemment. Il pourrait être au rêne d'une nouvelle trilogie de science-fiction inspirée d'une saga de romans, celle de Chaos Walking, paru en France sous le nom de Le Chaos en Marche, et le bouquin de Patrick Neuses se situe dans un monde où tous les êtres vivants, sauf les femmes, peuvent entendre les pensées des autres. C'est un peu misogyne quand même. Hein. Oui, voilà, tout à fait, tout à fait. Ouais. Donc pour ma part, puisque je suis un peu le littéraire de l'émission. Merci pour moi. Elle est en L, mais bon, c'est moi qui lis le plus, c'est ça l'ironie. Je l'ai pas lu encore, mais le pitch me paraît intéressant. Le réalisateur serait actuellement en négociation avec Lionsgate. On vous tient au courant, évidemment. Et maintenant, c'est l'heure des news Star Wars. Comme je vous l'ai dit le mois dernier, on est tous les deux des très grands fans de Star Wars, on n'a pas décidé de faire des petites news Star Wars incrustées dans les news, on va toutes vous les faire dans les news Star Wars. That boy is our last hope. No. There is another. Donc la première news, et c'est la grosse news Star Wars du mois, qui n'a pas arrêté de popper un peu partout sur internet, ce sont les rumeurs concernant l'acteur anglais Benedict Cumberbatch, qui joue dans Sherlock, la série télé anglaise, qui est très bonne, et qui a joué aussi le méchant qui a joué Khan, le méchant dans Star Trek Into Darkness, le dernier Star Trek. Qui serait de retour au travail avec J.J. Abrams. Lui-même ne dément pas cette rumeur qui dure depuis plus d'un mois en déclarant « Nous travaillons comme des dingues pour tout mettre en place avec un casting. Benedict Cumberbatch. » J'adore ce gars. Cette rumeur, qui n'a pas été confirmée officiellement par Disney, est de plus en plus persistante sur la toile. Et le site Latino Review y va de son petit commentaire lui aussi. Ne croyez pas le battage médiatique qui dit que Benedict Cumberbatch ne sera pas dans Star Wars. Il est dans le film. En fait, il sera dans les 3 films de Star Wars. Techniquement, sa part dans l'épisode 7 est insignifiante, mais le rôle aura plus d'importance dans les épisodes 8 et 9. À en croire les dernières rumeurs, il pourrait même jouer un Sith. Pour ma part, moi, ce que j'ai pensé de lui en méchant dans Star Trek 2, puisque non, il aurait le même rôle s'il jouait un Sith, à mon avis, il jouait super bien, on croyait vraiment que c'était un méchant. Il avait vraiment tout le charisme possible pour être un super méchant de cinéma. Et en même temps, il a tout le charisme possible pour être un héros dans le cinéma. Donc le mec est super bon acteur. Je pense que si ce serait vraiment super qu'il soit dans Star Wars 7. Toi, qu'est-ce que t'as pensé de Khan dans Star Trek Into Darkness? Il était vraiment très très très très bon. J'ai vraiment hâte de voir s'il est dans Star Wars 7. Ce sera vraiment super super super super. On passe tout de suite à la deuxième news. I'm not afraid. You will be. You will be. Les 6 Star Wars originaux furent tournés dans les légendaires studios anglais de Pinewood. Donc, quand il fut l'heure de choisir où tourner les 3 suites, Kathleen Kennedy, la nouvelle boss de Lucasfilm, choisit de rester fidèle à l'esprit et à la forme et à la fabrication des épisodes précédents, mais J.J. Abrams ne semble pas du même avis. Décidant de rester proche de sa famille, le réalisateur militerait actuellement pour tourner le film à Los Angeles. Il semble pour l'instant avoir réussi son coup, car il semblerait qu'il serait en train de réaménager les locaux de sa société de production Bad Robot, situé à Santa Monica, pour accueillir le tournage ou au moins une partie. Ce serait un peu délogé à la règle de George Lucas de tourner tous ses films dans ce studio à Pinewood en Angleterre, mais bon, s'il fait un bon film, on voit pas trop la différence entre s'il le tourne en Angleterre ou s'il le tourne aux États-Unis. Hein, ça va rien changer. Hein. Donc, on passe à la troisième news. You must unlearn what you have learned. J.J. Abrams, on en parle et on parlera beaucoup de lui dans cette section des news. On a dit un peu plus sur ses intentions pour Star Wars 7 dans une brève interview au magazine Entertainment Weekly. J.J. Abrams, et ce n'est pas un secret, reste extrêmement mystérieux sur ses intentions pour Star Wars épisode 7. Mais il a quand même des paroles rassurantes pour les fans de Star Wars de la première heure. Il déclare « C'est agréable de voir à quel point ce film est important pour tant de gens. Nous savons tous que le rêve de George Lucas est devenu presque une religion pour certains. Je me souviens avoir lu quelque part quelque chose disant qu'il voulait juste que le film semble vrai, authentique. Je me souviens que j'éprouvais la même chose quand j'ai vu le premier film à 11 ans. Bien qu'il s'agisse d'un conte, cela semble réel et pour moi c'est exactement ce qu'il faut. » On peut donc en conclure qu'il veut un film authentique et émouvant, digne de la trilogie originale, et ce qui est pas plus mal, puisque s'il peut nous éviter de nous mettre des Jar Jar Binks à l'infini, et ben on sera bien content, je pense. Et des midi-chloriens de merde, ça, il faut les supprimer. Enfin, les fans de Star Wars me comprendront. De toute façon, il pourra pas faire pire que George Lucas, sinon il a un gros gros gros problème de réalisation. Hein. Ouais, voilà. Donc on passe à la quatrième news. Pokey religions and ancient weapons are no match for a good blaster, true sidekick. On a aussi eu quelques news concernant les spin-off Star Wars. On sait pour l'instant que pendant une conférence avec des investisseurs, le directeur financier de Disney a confirmé que ces films dérivés devraient raconter les origines de certains personnages de l'univers Star Wars et être des préquels aux prochains films. Comme on vous l'annonçait le mois dernier, Disney pensait en faire un sur le personnage d'Obi-Wan Kenobi. Sur quel personnage t'aimerais voir une préquelle, toi? Yoda? Ouais, ça pourrait être pas mal. Moi, je pensais plutôt à Boba Fett. Boba Fett aussi, ça pourrait être pas mal. Il a une histoire intéressante qui pourrait faire durer tout un film. Boba Fett ou Han Solo, parce que moi, j'adore Han Solo. Qui n'aime pas Han Solo, franchement? Et Boba Fett, en plus, on le voit pas beaucoup dans la trilogie originale. Hein. Il est présent partout dans les conventions, mais on le voit peut-être 30-40 minutes dans le film, dans la trilogie, donc voilà, ce serait pas mal. Le premier de ces films spin-off devrait sortir en 2016, ce qui laisserait présager un film Star Wars tous les ans à partir de 2015 avec la sortie de Star Wars épisode 7. Un Star Wars épisode 7 en 2015, un spin-off, puis un Star Wars épisode 8, etc. Spin-off, etc. Les prochaines années vont être fructueuses pour les fans de Star Wars. Faudrait que les films soient bons, mais bon, on verra ça. Et on arrive à la fin des news déjà, donc maintenant on va passer à la critique d'un classique. Vous ne savez pas quoi regarder en ce moment ? Ne vous inquiétez pas, l'équipe Movies Nerd a la solution. Car c'est l'heure de la critique d'un classique. Grâce à nous, votre culture cinématographique se verra multipliée par 10. C'est une garantie Movies Nerd, avec la critique d'un classique. Donc la critique d'un classique de ce mois-ci est consacrée au film Rock Academy. Donc on va rappeler un peu les infos et après on parlera de ce qu'on a pensé vraiment du film. Donc le synopsis du film, si vous ne le connaissez pas déjà, un musicien se fait virer de son groupe de rock et trouve dans la foulée un emploi de prof de musique dans une école privée stricte. Là, devant un parterre de tuba, de clairons, de piano et de harpe, il décide de revoir l'approche de la musique de ses élèves, leur filant des Gibson, des claviers, des caisses claires et d'autres instruments rock'n'roll. Il leur enseigne la musique et les gros sons des rockers, leur donnant le pouvoir de casser les règles. Enfin, ça c'était un synopsis. C'était pas moi qui l'ai écrit, parce que sinon ce serait un peu meilleur. Voilà. Parce que j'écris pas ce genre de merde, mais j'avais pas envie de me faire chier à écrire un synopsis, donc comme d'hab, je trouve ça sur internet, vous pouvez aussi le trouver, c'est tout con. Le réalisateur du film, c'est Richard Linklater, qui a fait Before Sunrise et A Scanner Darkly. Je vais avouer que je le connaissais pas et que j'ai jamais vu ses films, mais bon, enfin à part Rock Academy bien sûr. La sortie américaine c'était le 3 octobre 2003 et la sortie française a été faite le 24 mars 2004. Le cast est composé de Jack Black, qui est un acteur que j'apprécie fortement, qui a autrement joué dans King Kong, L'Amour Extra Large et Kung Fu Panda, il a fait la voix de Kung Fu Panda, et dans ce film il joue le personnage principal, donc le musicien qui s'appelle Dewey Finn. Il y a aussi Mike White qui a joué dans Nous étions soldats et qui a scénarisé aussi le film. Pas Nous étions soldats, mais Rock Academy. Il joue dans le film Ned Schnibbley. Et à part ça, le cast n'est pas trop connu. Comme ça se passe dans une école, il y a beaucoup d'enfants acteurs qui n'ont pas percé vraiment. À part peut-être en musicien, mais pas en acteur en tout cas. Donc voilà. Maintenant, on va parler un peu du film. Donc, je vais laisser un peu parler Roxane. Qu'est-ce que tu as pensé de Rock Academy ? Franchement, c'était un super bon film. Bien que, franchement, le scénario au début, j'ai trouvé un petit peu. Quand ils rentrent dans l'école, la directrice, elle se demande pas du tout ce qui se passe. C'est bizarre, mais bon. Mais franchement, à part ça, le film est super bon. La musique. Musique géniale. Je vais pas vous dévoiler les musiques, mais c'est génial. Bref, j'aime pas beaucoup cet acteur d'habitude, Jack Black. J'aime pas trop ses films, je les trouve assez médiocres. Mais... Honte sur toi. Mais j'aime pas, j'ai le droit. Mais là, franchement, j'ai trouvé très bon. Et on voit que c'est un vrai fan de rock parce que. Et en plus, il joue dans un groupe, il faut vous le préciser, en dehors du film. Et il est très, très, très, très, très bon. Et voilà. Donc voilà, bon, moi je vais vous parler un peu plus niveau, maintenant, je vous parlais de la réalisation. La réalisation, bon, dans un film comme ça, on s'en fiche un peu. Bon, il y a quelques belles scènes, il faut avouer. Le film n'est pas désagréable à regarder, mais ça vole pas haut au niveau réalisation, hein, au niveau montage, etc. Voilà. Les acteurs, ben, Jack Black, comme je l'ai dit précédemment, j'apprécie vraiment. J'apprécie vraiment ce qu'il fait, j'aime bien son humour. Bon, bien sûr, il a joué dans quelques merdes, mais ça, c'est pas grave. Hein. Quand un mec, il a joué dans King Kong, moi, je lui pardonne tout. Hein. Donc, voilà. Après, les autres acteurs, bon, bah, c'était un peu du cliché, je trouvais. La principale qui, enfin, voilà, était un peu cliché. Celle qui m'a énervé, qui m'a bien énervé, c'est la petite amie de Ned Schnibbley, qui est censée être le prof pour lequel Jack Black se fait passer, et qui est en fait jouée par Mike White, comme je vous l'ai dit avant. Elle m'a bien énervé, enfin franchement, elle avait des réactions que... Putain, j'aurais foutu une claque si je pouvais, quoi. Voilà, niveau acteur, ça volait pas haut, à part Jack Black, c'était pas terrible. Enfin, les acteurs... et après, les enfants, enfin, voilà, quoi. C'est des enfants acteurs. Mais des fois, il y a des bons enfants acteurs, je suis désolé. Mais... On parlera pas d'Anakin, hein. Non, mais Anakin Skywalker, ça, on parle pas de ça, quoi. C'est pas possible. C'est tabou, hein. C'est tabou, ici. Maintenant, l'histoire, le script, bon, il est pas mal, mais bon, c'est sûr que il y a beaucoup de clichés, il y a quelques trous dans le scénario, mais on regarde vraiment pas ce film pour le scénario, on regarde ce film pour la musique ou pour Jack Black qui fasse ses blagues, qui fasse ses gueules de cons qui nous font rire. Enfin. Voilà, on regarde vraiment pas le film pour le scénario, parce que le scénario vole pas super haut. Désolé Mike White qui l'a écrit, hein, mais il est pas, enfin voilà, il est pas vraiment à la hauteur The Invention of Lying, que je vous conseille d'ailleurs, hein, la critique est sur Movie Nerd, petit passage promotionnel. Par rapport à un film comme celui-là. Comme The Invention of Lying, ça vole vraiment pas très haut niveau comédie. Voilà, donc le scénario, voilà, il vole vraiment pas très haut. Finalement, la musique, comme Roxane l'a dit, elle est vraiment rock and roll. Comme j'apprécie, je pense que vous l'avez deviné avec les jingles, avec des guitares. Quasiment à tous les jingles, mais bon, voilà. J'apprécie vraiment ce type de musique. Pour moi, c'est la musique que j'écoute le plus. Bon, j'en écoute d'autres sortes, mais c'est vraiment. Pour moi, c'est le genre qui me plaît le plus. Et donc, dans ce film, il y a vraiment des bons morceaux. On apprécie retrouver tous ces airs, ces chansons AC/DC, Black Sabbath, Deep Purple, du Led Zepp, du Beatles, il y en a de tout et pour tout le monde. Donc voilà, la musique est très très appréciable dans ce film. Et aussi, il faut noter qu'il y a eu quelques morceaux originaux qui ont été écrits pour le film, et qui, eux, par contre, par rapport au scénario, ont très bien été écrits. Ils sont très bons. C'est de la cabine d'un bon morceau de Tenacious D du groupe de Jack Black. Voilà. Donc, mon avis final sur le film, c'est que c'est un très bon, enfin c'est un très bon film musical, franchement un bon film détente à regarder peinard sans vraiment se poser de questions sur le scénario et tout ça. Si vous aimez la musique rock, c'est un film absolument à voir. Si vous aimez Jack Black, c'est un film à voir. Si vous aimez les scénarios construits, c'est un film à pas voir. Voilà, donc, et si vous aimez si vous aimez pas les clichés, regardez pas ce film, parce que sinon, enfin voilà. Roxane, qu'est-ce que tu as pensé du film? Effectivement, la musique, c'est l'un des points principaux de ce film, et Bon, j'aime pas Jack Black, mais là-dedans, il était vraiment bon. Faut le dire. Et c'est une comédie légère. Une comédie légère. Faut pas regarder ça sérieusement. De toute façon, une comédie, de toute façon, ne regardez jamais sérieusement. Ça pourrait pas marcher. Donc, un film très appréciable pour pas vous prendre la tête. Voilà. C'était la critique d'un classique sur Rock Academy qu'on vous conseille très fortement si vous aimez la musique rock and roll. Et maintenant, on va passer à la rubrique Looking of Movies. Qu'est-ce que cette bande de geeks a regardé ce mois-ci ? Vous êtes sur le point de le découvrir avec la rubrique Looking of Movies. Et on arrive à la rubrique Looking of Movies où on parle des films qu'on a vus ce mois-ci. Alors comme on l'a expliqué en intro, c'est que comme la rentrée a repris, eh ben on n'a pas trop eu le temps de voir des films. En plus, ça a été la rentrée des séries télé, donc pour ma part, j'ai regardé pas mal plus de séries télé que de films honte sur moi. Mais c'était comme c'était la rentrée, il fallait que je me mette à jour. Pour découvrir et redécouvrir mes séries préférées. On a quand même vu. Moi j'ai vu 4 films, Roxane en a vu 2. On va en parler un peu plus en détail quand même que la dernière fois où on avait beaucoup de films, mais on n'a pas parlé beaucoup dessus. Donc, en premier. J'ai vu Eternal Sunshine of Spotless Mind, qui est un film avec Jim Carrey. J'avais continué ma saga Jim Carrey en film, et donc ce film, j'avais vraiment envie de le voir. Il avait un synopsis qui me paraissait intéressant. Le synopsis, c'est l'histoire d'un couple en fait. La femme dans le couple décide d'effacer de sa mémoire le mari. Le mec, quoi. Qui est Jim Carrey. Elle décide de l'effacer complètement de sa mémoire. Et donc, quand il va la retrouver, elle se souvient pas de lui et il se demande qu'est-ce qui se passe. Et là, il reçoit un courrier comme quoi. Ses proches reçoivent un courrier comme quoi ils doivent pas en parler, ils doivent pas lui parler qu'elle s'est fait effacer la mémoire et qu'ils ne doivent pas parler non plus à elle de lui. Le synopsis avait l'air très intéressant et puisque elle lui a fait ça, lui il décide de l'effacer elle de ses souvenirs. Donc s'ensuit toute une histoire très intéressante. Quoique un peu longuette niveau scénario, mais ce film, au niveau montage, j'étais scotché. J'avais pas été scotché comme ça depuis Memento, dont je vous parlerai sûrement. On vous parlera sûrement dans une critique d'un classique, parce qu'il faut absolument que je vous en parle plus en détail. Ou alors je vous ferai une critique sur le blog, sûrement, on verra. Mais niveau montage, c'est vraiment super impressionnant. Il y a un gros twist à la fin, je vais pas vous révéler, mais les apparences sont trompeuses, voilà, ce sera l'indice que je vous dirai pour ce film, mais c'est vraiment assez impressionnant qu'ils aient réussi à garder ça comme ça, les acteurs jouent très bien, bon, je les connaissais pas tous, hein, Jim Carrey, c'est pas que je les connaissais pas tous, il y avait aussi Elijah Wood, hein, dans un de ses rôles après Le Seigneur des Anneaux. Il y a aussi Kirsten Dunst qui jouait Mary Jane dans Spider-Man, Marie-Antoinette dans Marie-Antoinette, voilà, c'est les deux seuls rôles que j'ai retenus d'elle, parce que voilà. Il jouait bien, voilà, pas excellemment bien, mais plutôt bien. Et puis, je l'ai trouvé un peu longuette, parce qu'en fait, quand ils effacent la mémoire de Jim Carrey, ils effacent souvenir par souvenir. Et donc, quand ils effacent des souvenirs d'un an, ça dure assez longtemps et c'était assez long, mais c'était intéressant sur certains, un peu moins sur d'autres. À mon avis, ils auraient pu couper certains. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Ah oui, c'est que si vous cherchez un film sur le rêve qui n'est pas Inception, eh ben c'est une très bonne alternative parce que c'est vraiment un super film sur le rêve. Vraiment l'impression qu'ils aient capté, qu'ils ont capté vraiment l'essence d'un rêve, comme quoi ça part dans des délires des fois assez impressionnants, que ça passe d'une chose à une autre très vite, mais sans s'en rendre vraiment compte. Et pour ça, c'est vraiment un super film sur le rêve. À part ça, c'était une bonne comédie romantique, assez bien écrite, assez bien. Ah oui, j'ai pas parlé de la réalisation. La réalisation est plutôt pas mal. Mais pour moi, ce qui m'a scotché le plus, c'était le montage. Il y avait quelques beaux plans, mais bon, c'était de la réalisation un peu simplette. Ensuite, je parle d'un deuxième film. Et alors là, attention. Il y a du lourd, il y a du très lourd, c'est du gros. Je vais faire mon gros rageux là parce que bon, j'attendais pas énormément de ce film, mais j'ai quand même été énormément déçu par Rock of Ages, un film de 2009 qui. Non, pas de 2009, de 2012, qui reprend, enfin, qui est inspiré d'une comédie musicale. Du même nom, comédie musicale américaine, qui parle du rock. Donc, je me suis dit, ouais, une comédie musicale qui parle du, enfin, il peut y avoir des bonnes chansons, etc. Je vais les voir. De toute façon, je l'ai pas payé. Je suis abonné à un service qui me permet d'avoir autant, enfin, pas autant, une bibliothèque de films que je peux renouveler. Donc, voilà. Il y avait ce film proposé, donc je me suis dit que j'allais tenter l'expérience, et ben voilà. Alors, dès le début, on voit une nana dans un bus, il commence à chanter, et là c'est le bide parce qu'il commence à chanter façon comédie musicale, pas du tout rock. La nana, c'est enfin bon, je vais attaquer le gros point faible du film, c'est les personnages. Les personnages. Putain, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont lourds, ils sont clichés, ils sont chiants. Quand tu les rencontres, tu sais ce qui va se passer. Tu sais que le mec là qui est tout, qui a des pics dans ses cheveux, le jean découpé, qui ramasse les affaires quand la héroïne, enfin héroïne entre parenthèses. Ben elle fait tomber ses affaires, le mec il la ramasse. Tu sais qu'ils vont s'aimer, que qu'ils vont chanter ensemble. Eh ben c'est ce qu'ils font 2 minutes après. Et voilà. Donc c'est génial. Tous les personnages sont clichés. Il y a ça fait vraiment. Enfin c'est du cliché, mais c'est atroce quoi. C'est genre le tenancier de bar qui est enfin, qui est genre super macho, mais en fait il a derrière lui il a un cœur. Après il chante. Après on apprend qu'il est gay. Enfin, voilà, c'est de la merde, c'est de la grosse bousasse. Ouais, il y a aussi Catherine Zeta-Jones. Alors là j'ai du lourd à dire parce que putain je suis essoufflé là parce que tellement je parle. Mais il faut que ça sorte. J'ai gardé ça pendant un mois. Il faut que je sorte ça parce que c'est pas possible. Il faut prévenir les gens. Il faut les informer parce que c'est un message d'alerte. Ça, c'est pas possible. Catherine Zeta-Jones. Alors c'est l'anti-héroïne du film. Donc ça veut dire qu'elle est contre le rock en général. Mais elle milite contre le bar. Le bar, tout se passe autour de ce bar où il y a des concerts. Enfin, ils invitent des rockstars qui demandent un cachet super élevé. Et après, tu t'apprends qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Je sais pas comment ils ont fait, mais bon. Donc, Catherine Zeta-Jones, elle milite contre ce bar et elle aime pas le rock. Elle fait des interviews, elle est super catholique, etc., etc. Elle se retrouve dans une église. Alors ça, c'était la scène magnifique, hein. Elle se retrouve dans une église. Elle commence à dire, ouais, on n'aime pas le rock. Et il faut pas. C'est pas bien, etc. Et donc 2 minutes après, 2 minutes après, tu l'entends chanter un classique du rock. C'est n'importe quoi. Pourquoi une nana qui milite contre le rock, qui déteste le rock, chanterait une chanson de rock. Je comprends pas. En plus, il chante ça dans une église. C'est complètement débile. Enfin, voilà. Les deux seuls bons acteurs du film, mais ça fait chier qu'ils sont là. Parce que, franchement, je sais pas pourquoi ils ont accepté. C'est Alec Baldwin, parce que ce mec, je l'adore. Parce qu'il joue dans une série 40 Rocks, que je vous conseille d'ailleurs. Mais il joue dans ce film. Et ça m'a dégoûté de le voir là-dedans. Et le deuxième bon acteur, c'est Bryan Cranston, qui joue dans Breaking Bad, etc. Malcolm in the Middle. Lui, il joue le mari de Catherine Zeta-Jones. Et donc, c'est le mec, il se fait... Il se fait marcher sur les pieds par sa nana d'un bout à l'autre, c'est pas possible. Enfin, le mec, il est soumis, mais comme je sais pas quoi. Enfin, voilà. Et en plus, après, pendant que l'autre elle chante sa chanson dans l'église, lui il la trompe dans l'église. Ça m'a fait bien rire. Surtout quand la nana qui la trompe, elle lui fout des coups de fouet. Enfin, j'ai pas compris, mais un délire. Enfin, voilà. C'est cliché à mort, ça m'a fait chier de voir ce film. Ça durait 2 heures, c'était trop long. Au bout d'un moment, je me suis dit putain, j'en ai marre. J'ai commencé à avancer le film parce que ça m'a fait chier. Et j'ai avancé jusqu'au bout. Et quand j'ai rencontré tous les personnages, je savais que ça allait finir comme ça. Et j'ai pas eu tort. Ça s'est fini de la façon dont j'ai pensé. C'est le mec, la nana, après, elle découvre que le mec, il a trompé, mais en fait, c'est pas vrai. Alors après, ils se remettent ensemble avec une chanson de rock, entre parenthèses, parce que c'est une putain... Ils démolissent le rock, c'est des putains de rockers, mais genre avec des... Enfin, voilà, des rockers, genre Kevin Nooney, quoi. C'est pas possible. C'est... Tu montes ça à des vrais rockers, ils viennent te péter la gueule, hein, mais c'est direct, hein. C'est les mecs, ils cherchent pas, ils cherchent leur barre de fer dans leur coffre et puis ils te défoncent la gueule. C'est pas possible. C'est vraiment de la merde. Mais franchement, ne regardez pas ce film. Si vous aimez les Kevin Nooney, Rocky Nooney des années 2010, genre Jonas Brothers, ça c'est pour vous. Mais si vous aimez le vrai rock, genre ACDC, genre Black Sabbath, etc. Ne regardez pas ce film de merde. Ah! En plus, il y a, j'ai oublié, il y a Tom Cruise. Oh putain, il m'a cassé les couilles, cet enfoiré. C'est un bâtard. Non mais j'en pouvais plus. Aidez-moi. Non mais j'en pouvais plus. Franchement, ce film, c'est de la grosse merde. Putain, ça fait du bien de lâcher tout ça. Je sais pas si j'ai tout dit, mais ça a bien duré 6-7 minutes de rage contre ce film, mais ça fait du bien, parce qu'il faut le dire des fois, parce qu'il y a des films, il faut prévenir les gens, parce que c'est vraiment de la merde. Alors voilà, Roxane, elle est complètement à côté, elle est complètement morte de rire. Je peux pas continuer dans ces conditions. Alors voilà. Maintenant, on va parler d'un bon film. On va essayer de parler d'un bon film. Voilà. Parce que franchement, c'était de la merde. Non, mais faut laisser parce que c'est marrant. Donc, vas-y, tu veux dire quelque chose, Roxane? Là, c'est bon. T'as fait ta séance de psy, ça va mieux? Ouais, ça m'a fait du bien là de parler dans ce micro, à déverser ma rage. Mais Roxane, elle en pleure là. Je lui fais rire. Voilà. C'était vraiment de la merde. Mais bon. Ouf, maintenant on oublie ce film de merde. On va rester un peu concentré et on va parler d'un film dont j'ai fait la critique sur Movies Nerd. Ça va, Roxane, t'es pas trop essoufflée? Ça va. Ah. Ouf, bon. D'un film dont j'ai fait la critique sur Movies Nerd, c'est Super. Le film s'appelle Super. Je vais pas tout vous refaire la critique, mais basiquement c'est genre l'histoire de Kick-Ass, mais un peu plus dark quand même, un peu plus sombre. Ça y va quoi, c'est pas c'est vraiment enfin le personnage a été un peu enfin le personnage principal est un peu fou c'est vraiment un anti-héros qu'on apprécie vraiment bon je enfin voilà je vais pas tout vous refaire mais basiquement j'ai vraiment aimé ce qui m'intéresse maintenant c'est d'avoir l'avis de Roxane puisque c'est pas elle qui a fait la critique donc ton avis sur le film super. Ben, j'ai beaucoup aimé ce film et contrairement à Kick-Ass, j'ai trouvé beaucoup plus réaliste. Kick-Ass, c'est vraiment super aussi, mais c'est trop what the fuck des fois. Ouais, enfin, franchement, c'est vraiment basé dans la réalité. On a vraiment l'impression que c'est vrai. Par rapport à Kick-Ass, qui est un peu pop des fois, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas possible dans la réalité. C'est très très très coloré Kick-Ass par rapport à ce film, super. Et franchement. Mention spéciale aux effets spéciaux, parce que là, j'étais sur le cul, hein. C'était magnifique. Oui, je l'avais noté dans la critique, c'est vraiment assez impressionnant. Et il y a la super-héroïne qui l'accompagne, voilà, elle est complètement dingue cette fille, elle est complètement tarée. Il y a des super bonnes scènes de bagarre, et des super bonnes scènes avec des guns et tout. Bref, film à voir. Voilà, donc si vous voulez en savoir un peu plus sur le film, eh ben, vous pouvez toujours lire la critique sur Movies Nerd. C'était l'instant promotionnel. Maintenant, on va parler d'un film dont je n'ai pas fait la critique et qu'on a vu tous les deux. Le dernier film de Looking of Movies, c'est un film d'animation. C'est Rango. Alors, j'ai pas mal de choses à dire sur ce film, et je pense Roxane aussi. Donc, je vais y aller en premier déjà. C'est un film d'animation qui est sorti en 2011, si je ne me trompe pas. Ça a été fait par Nickelodeon. Donc c'est vraiment dans l'esprit Nickelodeon, donc Bob l'éponge, etc. Il y a vraiment deux niveaux de lecture. C'est vraiment les Pixar de l'animation 2D pour moi. Mais là, ils ont fait un film 3D. Donc ils voulaient peut-être un peu copier Pixar, mais dans leur esprit c'est vraiment c'est assez les mêmes. Il y a vraiment deux niveaux de lecture, un pour les enfants et un pour les adultes. Et ce film était vraiment marrant, mais il y a des moments où j'étais vraiment, voilà, j'ai beaucoup rigolé pendant le film. Le personnage de Rango qui est doublé par Johnny Depp en version originale, puisqu'on l'a vu en version originale, puisqu'on regarde pas nos films en version française, faut pas déconner non plus. Est très attachant, le personnage de Rango, donc, enfin, il prend ce nom, mais on sait jamais vraiment son nom, vous verrez, c'est très marrant. Rango, c'est un caméléon, donc dans son esprit, comme il se fond un peu dans l'univers, etc., dans les matières, etc., lui, il se prend aussi pour des gens, donc on le voit au début pendant une bonne dizaine de minutes à créer des scénarios dans son bocal. Enfin, on sait pas au début que c'est son bocal, mais on le voit 10 minutes plus tard, donc c'est pas vraiment un spoiler. Il rejoue un peu des scènes genre des westerns, des films d'amour, et enfin. C'était vraiment super marrant. L'acting de Johnny Depp, pour moi, il est pour beaucoup. Cet acteur, des fois il est bon, des fois il est pas bon. On sait vraiment pas trop où le placer sur l'échelle des acteurs, mais là il était très bon en voix de Rango. L'histoire, c'est qu'il tombe dans son aquarium, il est sur une voiture, et donc il tombe sur l'autoroute et puis il se retrouve tout seul en plein milieu du désert à chercher comment rentrer ou quoi faire. Donc il va rencontrer pas mal de personnages sur sa route, et jusqu'à ce qu'il arrive dans une ville western, enfin dans une ville dans un univers western. On suppose déjà quand il est dans le désert que ce sera assez western. Et pour moi, c'est vraiment une des meilleures adaptations / parodies de western que j'ai jamais vues, avec Django Unchained. Parce que, enfin, j'explique, il reprend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments au western spaghetti ou western classique des années 50-60. Et ils les font à leur sauce, comme pour Django, qui a Tarantino, c'est le maître des références, etc. Donc il n'y a pas de problème, mais pour un film d'animation, c'était très très agréable, surtout un film d'animation sur l'univers du western. J'avais jamais vu ça, enfin j'avais jamais vu un film d'animation sur l'univers du western, et en plus avec des blagues très adultes dans le fond, des préoccupations très adultes aussi. Les personnages sont très attachants, le scénario est très très bien écrit, la réalisation, bah, elle est nickel, franchement. Alors voilà, ce que je voulais dire, c'était la réalisation qui était putain vraiment nickel. J'ai rarement vu ça pour quelque chose qui n'est pas du Pixar ou du DreamWorks, parce que des fois ils font un peu, ouais. Enfin c'est un peu inégal DreamWorks, mais qui n'est pas du Pixar, c'était vraiment nickel. Par rapport à Moi Moche et Méchant 2 de merde, que enfin voilà, maintenant je vais vous dire quelque chose, j'ai pas aimé Moi Moche et Méchant et je m'en fous, parce que j'aime pas ce film, j'aime pas cet univers, j'aime pas ces personnages, c'est mal fait, c'est mal écrit, les mignons ils me cassent les couilles, voilà c'est dit. Maintenant donc maintenant c'est dit, maintenant me cassez plus les couilles sur les réseaux sociaux avec ces putains de mignons de merde, j'en ai marre. Donc voilà. C'était un message personnel. Ouais, c'est un message personnel, mais en même temps, je les aime pas. J'aime pas cet univers. J'aime pas la voix de Gad Elmaleh. J'ai pas aimé ce putain de film de 2, parce que j'ai été obligé de voir le 2 en plus. Alors l'univers, il me fait chier. La réalisation, elle est moche, mais putain, on dirait du. C'est en dessous d'un Toy Story qui est sorti en 95. Voilà, donc Rango, parlons à mon film Rango, je suis désolé si j'ai choqué quelques-uns sur Moi Moche et Méchant, mais j'en ai rien à foutre, hein. Rango, franchement c'est un putain de bon film d'animation et ça il faut voir absolument. Roxane, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film? Ben écoute, t'as presque tout dit. Je vais juste dire que ce film il est super bon, allez le voir, achetez le DVD. Johnny Depp, il faut le regarder dans sa version originale, parce que Johnny Depp c'est juste génial, parce que je sais pas ce que c'est la voix française, j'ai pas cherché, mais regarde-le en version originale, bordel de merde, voilà. Ben voilà, et toi qu'est-ce que t'as pensé un peu des personnages à part Rango? Ben on va dire c'est les personnages classiques, hein. Il y a toujours l'histoire d'amour, hein. Il est méchant, il est gentil, bref. Ouais, mais après avoir vu une merde comme Rock of Ages, à mon avis, pour moi, c'était vraiment pas du même niveau cliché que. C'était plutôt pas mal, franchement. Et en plus, l'histoire d'amour, enfin, entre parenthèses, c'était pas vraiment super cliché parce que la nana était pas si. C'était pas vraiment une nana en détresse, quoi. C'était une badass qui se démerdait avec sa ferme et tout, enfin voilà. C'était vraiment stylé, voilà, c'est tout ce que t'as à dire. C'est un petit peu, ça fait penser à un conte moderne, hein, c'est ça? Ouais, c'est un peu un conte moderne, ouais. Donc, on a fini avec la rubrique Looking of Movies, et on va passer au film du mois. Préparez-vous, car c'est l'heure de la rubrique du film du mois. Quel film faut-il absolument aller voir au cinéma ce mois-ci, ou lequel faut-il éviter? Vous n'achèterez plus vos tickets de cinéma pour rien, tout en manquant le meilleur, grâce à la rubrique du film du mois. Et on arrive à la rubrique du film du mois, qui cette fois-ci s'intéresse au film Le Majordome, sortie américaine le 16 août 2013 et sortie en France le 11 septembre 2013. D'abord, je vais rappeler comme d'hab les infos et le synopsis. Donc, le réalisateur, c'est Lee Daniels, qui est connu pour Precious et Paperboy. Je dois avouer que j'ai jamais vu ces films, donc je vais pas en parler. Enfin, à part Majordome. Le scénario a été fait par Lee Daniels et Danny Strong, je ne connais pas non plus. Le film aux États-Unis s'appelle Lee Daniels The Butler. Donc, ça veut dire. Le film de Lee Daniels, Le Majordome. Donc ça va, il se fait pas trop chier le mec, il met son nom dans le titre du film. Voilà, en plus il y a réalisé par truc. Voilà. Le synopsis. Le jeune Cecil Gain, en quête d'un avenir meilleur, fuit en 1926 le sud des États-Unis en proie à la tyrannie ségrégationniste. Tout en devenant un homme, il acquiert les compétences inestimables qui lui permettent d'atteindre une fonction très convoitée, majordome de la Maison Blanche. C'est là que Cecil devient, durant cette présidence, un témoin privilégié de son temps et de ses transactions qui ont lieu au sein du bureau ovale. À la maison, sa femme Gloria élève leurs deux fils et la famille jouit d'une existence confortable grâce au poste de Cecil. Pourtant, son engagement suscite des tensions dans son couple. Gloria s'éloigne de lui et les disputes avec l'un de ses fils particulièrement anticonformistes sont incessantes. Donc ça, c'est le synopsis. Donc voilà. Maintenant, le casting. L'acteur principal qui joue le majordome, donc Cecil Gaines, c'est Forest Whitaker, qu'on a vu dans Platoon, Good Morning Vietnam et Le Dernier Roi d'Écosse. Il y a Oprah Winfrey qui a joué dans La Couleur Pourpre. Et c'est une célèbre animatrice télé américaine. Elle joue la femme de Cecil Gaines, donc Gloria Gaines. Il y a David Oyelowo qui joue le fils Louis Gaines. John, je vais faire tous les présidents aussi parce que ils ont un rôle assez important dans l'histoire. Donc c'est pas dans l'ordre chronologique. Hein. John Cusack qui est connu pour avoir joué dans Stand By Me et La Ligne Rouge, qui joue Richard Nixon, le président Richard Nixon. Robin Williams qui a joué dans Good Morning Vietnam aussi, Will Hunting et Insomnia, qui joue le président Dwight Eisenhower. Ensuite il y a Alan Rickman qui est connu pour avoir joué dans Piège de Cristal, Galaxy Quest, et qui joue aussi le professeur Rogue dans la saga Harry Potter. Là il joue le président des États-Unis Ronald Reagan, et ensuite James Marsden qui est connu pour avoir joué Cyclope dans la trilogie X-Men. Moi je l'avais pas reconnu là quand je l'ai vu dans le film, mais... après quand j'y repensais, c'est vrai qu'il avait sa tête, et je sais pas, j'avais la tête ailleurs sûrement, et là qui joue John F. Kennedy. Donc maintenant que j'ai fait les infos principales du film. Qu'est-ce que tu en as pensé, Roxane, de ce film ? Franchement, c'était un très très bon film. Il y a Forest Whitaker, hein, qui joue le majordome, il joue super bien, il n'y a rien à dire dessus. Dans l'histoire du film, on est plongé dans l'histoire des États-Unis. Les présidents y succèdent, et voilà. Et c'est pendant la montée en force du Black Power. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est comme une leçon d'histoire. Mais moi, j'ai pas cru quand j'ai vu ça, mais je me suis dit, c'est vraiment passé comme ça, parce que c'était d'une violence. C'est incroyable, parce que c'était super violent. Hein. Enfin, moi j'ai trouvé ça vraiment violent quand j'ai vu. Bref, ça c'est vraiment très très bien fait. Et c'est un film qui parle essentiellement de politique, mais franchement, pour un film politique, j'ai bien aimé. Voilà, donc moi je vais vous parler un peu plus en détail. La réalisation, donc, ça m'a pas vraiment scotché, quoi. C'est deux petits plans beaux, deux plans qui sont pas mal, mais après, voilà, c'est de la réelle de base, plongée contre plongée, etc. Voilà, pas vraiment grand chose à dire. Niveau montage non plus. Ensuite, les acteurs. Alors là, j'ai quelques trucs à dire. J'ai oublié de dire qu'il y avait Maria Carey, cette géniale chanteuse, qui joue la mère. La mère du majordome quand il est petit, et donc elle est assez invisible, hein, voilà. Moi je l'ai trouvé j'ai trouvé bizarre parce que Maria Carey elle est assez blanche de peau, et tous ses enfants ils sont vraiment super noirs de peau, et je comprends pas comment c'est possible j'arrive pas à dire son nom de merde, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est une chanteuse de merde, je l'aime pas. Je dénonce aujourd'hui, hein, c'est radio politique, là. Je comprends pas qu'elle ait pu avoir un enfant aussi noir que lui. Sans offense, mais noir de peau, quoi, c'est pas possible, puisqu'il y a un certain métissage. C'était invisible, quoi. Ils auraient mieux fait de prendre une autre actrice, que Maria Carey. Voilà. Sinon, bon, on va parler des bons. Sinon, les autres acteurs, ben, ils jouaient pas mal. Hein, c'était pas bon. Forest Whitaker, si, ça allait, quoi. Mais bon. Ouais, il jouait très bien son rôle de majordome, voilà, jusqu'à ce qu'il devienne très vieux, et ben il jouait encore très bien quand il était très vieux. À part ça, Robbie Williams, je crois que c'est Robin Williams, c'est ça. Ouais, Robin Williams, parce que je me trompe toujours avec ce chanteur pop anglais. Le truc, c'est que c'est pas qu'il jouait pas bien, mais c'est juste que j'ai un coup de gueule à porter contre le mec qui a fait la prothèse pour la prothèse chauvesque pour sa pour sa tête, parce que c'était vraiment mal fait. On aurait dit que, je sais pas, il avait collé deux morceaux de papier sur sa gueule et puis que c'était bon, parce que on voyait vraiment la différence entre sa vraie peau et son crâne dégarni, enfin qui commençait à être dégarni, et c'était vraiment mal fait. Putain, ça m'a sauté aux yeux, quoi. C'était vraiment mal fait. Faut virer le mec qui a fait ça, quoi, parce que c'est pas possible. C'est pas possible de faire des accessoires aussi mal faits, quoi. À part ça, bon, bah, tous les acteurs, Oprah Winfrey, le fils, etc., bah, ils jouent bien, ils ne transcendent pas l'écran, mais ils ont une certaine présence en tant qu'acteurs, voilà. L'histoire, alors, moi, j'ai... je vais dire un truc, mais quand j'ai vu la bande-annonce, bah, j'avais pas trop envie de voir le film, quoi. Ça m'a pas accroché autant que ça, hein. L'histoire ne me paraissait pas super intéressante, parce que le truc, c'est que en ce moment, on a l'impression de voir beaucoup cette histoire se répéter encore et encore au cinéma, de la libération des esclaves noirs, avec Lincoln et Django Unchained, plein d'autres films comme ça, et encore il va y avoir d'autres films qui sortiront prochainement. D'ailleurs, Zulu a l'air très bien. Je vous conseille la bande annonce, hein. Ce sera pas la bande annonce du mois, mais elle est très bien. Ça a l'air d'être un très bon film. Il y a une tripotée de films comme ça. J'ai rien contre les films comme ça, mais c'est juste que c'est la mode, quoi. C'est juste une observation sur la société, que on veut voir cette histoire encore et encore. Je sais pas pourquoi. Elle est intéressante, mais à mon avis pas au point de faire 30 000 films dessus, quoi. L'histoire du film, par contre, est très intéressante. Ce que j'ai aimé, enfin ce que je craignais, c'était que c'était basé sur une histoire vraie. Et alors, je me méfie des films qui sont basés sur des histoires vraies, parce que des fois c'est dit basé sur une histoire vraie pour vous faire aller au cinéma, pour vous faire pleurer sur le pauvre mec qui se fait tabasser, enfin voilà. C'est alors que des fois, ben, ils inventent des choses qui ne sont pas vraies, vraiment, et qu'il faut souvent lire les livres des gens qui ont écrit et qui ont vécu ces choses, plutôt que de regarder des films basés sur l'histoire vraie, parce que quand c'est basé, c'est adapté, c'est pas de l'histoire vraie à l'histoire dans le film. C'est vraiment des fois adapté, des fois bien faite, des fois assez mal faite. Donc ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'était que ça se basait pas seulement, c'était pas vraiment pas seulement l'histoire du majordome, mais c'était aussi l'histoire du fils, qui pour moi était plus intéressante. Le fils qui est un révolutionnaire, donc il va un peu à l'encontre de son père. Ben, il fait les premiers mouvements de comment elle s'appelait, celle qui s'est assise dans le bus, Rosa Parks, oui, voilà. les premiers mouvements de cette sorte, parce que vous savez qu'il existait aux États-Unis des bancs spéciales colored, donc colorés en français, mais enfin voilà, vous avez compris, et des bancs pour les blancs, quoi. Et Rosa Parks, si vous connaissez cette histoire, je pense que vous connaissez sûrement cette histoire, elle a décidé de ne pas s'asseoir sur les bancs réservés aux colored, pour les personnes blanches. Oui, c'est dans un bus, mais les places, je voulais dire, pas les bancs, excusez-moi. Voilà. Donc lui et sa bande d'universitaires vont faire la même chose dans des bars, etc. Jusqu'à se faire embêter par les clients du bar qui les poussent, qui les insultent, qui vont jusqu'à leur cracher sur la gueule, quoi. Cette scène était assez violente psychologiquement. Voilà, donc ça m'a intéressé, cette histoire de ce fils qui fait un peu partie de l'histoire en faisant ça, quoi, parce que, et ce qui est bien, ce qui m'a paru assez enfin, je sais pas si c'était réaliste, mais c'était qu'un blanc, et ben il s'est mêlé à leur groupe de contestataires. Je sais pas si c'était vrai, mais bon, enfin, voilà. On sait jamais, voilà. Et il y avait aussi une autre scène qui était... Enfin, il y avait deux scènes assez fortes et violentes. Celle-là qui était psychologique, et une autre qui était assez physique et qui était très très bien filmée. Franchement, par rapport à l'ensemble du film, ça dénotait, et cette scène même mériterait d'aller voir le film, en fait, parce que elle est super bien faite, mais en même temps très très très violente, quoi. C'était les élèves qui étaient dans un bus, bon, les élèves noirs qui étaient dans un bus et qui se fait arrêter par des membres du Ku Klux Klan. Voilà, ils mettent le feu au bus, et c'était assez violent quand même la façon dont il l'a filmé, mais c'était très très bien filmé, et je peux pas dire que j'ai apprécié la beauté de la scène, mais c'était pas beau à voir, quoi, c'était moche, mais enfin, vous me comprenez, je pense, que j'ai apprécié les techniques de cinéma utilisées pour capter ce moment. Et le dernier point sur lequel j'aimerais parler un petit peu, c'est la musique dans le film, qui pour moi était assez invisible, je dois dire. On passait d'une époque à une époque, on savait se situer avec la musique. Par exemple, quand on était dans les années 50, on voyait un peu Oprah Winfrey se dandiner sur des airs des années 50, quoi. Et après, qu'on passait dans les années 60, elle se dandinait sur les airs des années 60, 70, elle se dandinait sur les airs des années 70, 80, elle se dandinait sur les airs disco, etc. Enfin, voilà. Jusqu'à la fin, elle se dandinait, quoi. C'est un peu tout ce qu'elle a fait dans le film, mais c'est pas grave. Elle fumait aussi, hein. Ouais, elle fumait aussi pas mal. Et puis, bon, voilà, la musique, c'était pas quelque chose d'extraordinaire dans ce film. Donc mon avis final, c'est que c'était un bon film dans l'ensemble, mais un très bon film historique qui devrait être vu pour comprendre et pour apprendre, si vous ne connaissez pas l'histoire des États-Unis à cette période, surtout pour les présidents, c'est très pratique. Et puis on voit à travers les yeux du majordome toutes ces histoires qui sont passés dans les années 50, 60, etc. Crise des missiles de Cuba, guerre de Vietnam, guerre de Corée, plein d'autres choses. Si vous devez réviser votre histoire, et en plus, histoire des États-Unis, c'est vraiment le bon film à voir, quoi. À part ça, c'était un bon film, quoi, mais bon, je le verrai pas une deuxième fois, quoi. C'était juste un film agréable à voir une fois, voilà. Et toi, Roxane, ton avis final sur le film ? Ben, écoute, franchement, t'as tout dit. T'as vraiment tout dit. Et c'est vraiment un film à voir si vous avez des révisions à faire ou si vous voulez juste vous intéresser à cette histoire. Et je voulais juste préciser quelque chose, c'est que c'était pas le mouvement du Black Power, je me suis trompée. Autant pour moi, c'est le mouvement Black Panthers. Bouh, Roxane, elle connaît pas son histoire. Excusez-moi, je suis désolée. Donc voilà, c'était la rubrique du film du mois sur le majordome. On a apprécié ce film sans plus. Et maintenant, on va passer à la prochaine rubrique qui est la bande-annonce du mois. C'est parti. You stuck up, half-witted, scruffy-looking nerf herder. You shit-kicking, stinky horse manure-smelling motherfucker, you. You're a fucking secretary. Fuck you. Yeah, that's my message to you. Fuck you and kiss my ass. Dans un monde où les déceptions sont légion, l'équipe Movies Nerd, qui détient le secret des anciens Mayas grecs, est le seul espoir de l'humanité. Aujourd'hui, il révèle enfin ce secret mystique qui protégera les générations futures d'être déçus au cinéma, car c'est la rubrique de la bande-annonce du mois. Et on est à la rubrique de la bande-annonce du mois, qui est cette fois la bande-annonce qui a été dévoilée ce mois-ci de Gravity. La dernière bande-annonce, c'est la grosse bande-annonce Gravity. C'est un film que j'attends énormément, mais j'ai tellement d'attentes sur ce film. Je l'attends depuis au moins... depuis qu'il a été annoncé, je me souviens plus vraiment, mais je crois que ça fait bien plus de 6 mois déjà, et je l'attends énormément. Donc c'est par le réalisateur Alfonso Cuarón dont on vous a parlé dans les news. Il a fait aussi Les Fils de l'Homme, un film de science-fiction à ce qui paraît excellent, mais que je n'ai toujours pas vu et qui est honte sur moi, parce que là, avec ce film-là, j'ai très envie de voir ses travaux précédents. En avis, le mois prochain dans Looking of Movies, je vous parlerai un peu des Fils de l'Homme, puisque... Gravity risque très probablement d'être le film du mois du mois prochain. On vous spoil déjà, mais à mon avis, voilà. Par rapport aux autres films, malgré qu'il y ait de très très bons films qui risquent de sortir au mois d'octobre, Gravity a l'air tout à fait excellent. Les acteurs principaux, George Clooney et Sandra Bullock. Donc dans la bande-annonce, maintenant on va parler un peu plus de la bande-annonce en elle-même. Niveau impression de l'espace, ambiance, effets spéciaux, c'est vraiment impressionnant. Le niveau de détail, la réalisation qui a l'air d'être excellente, la caméra qui suit parfaitement toutes les actions, c'est parfaitement clair tout en étant le bordel le plus complet. Ça a l'air d'être assez impressionnant, et on comprend que Alfonso Cuarón ait mis aussi longtemps à réaliser son film. Les acteurs ont l'air bons, hein, George Clooney, Sandra Bullock. Qu'est-ce que j'ai encore à dire? J'ai trouvé que dans la bande-annonce, Sandra Bullock me faisait penser énormément à Ripley de la quadrilogie Alien, une femme forte qui est dans l'espace, qui... Enfin, ses actions, tout ça, m'ont fait vraiment penser, dans la bande-annonce en tout cas, à une réincarnation un peu de Ripley, de la quadrilogie, pardon, Alien, que j'apprécie énormément. Je crois que j'ai tout dit pour ma part. Les effets spéciaux excellents. Ça a pas l'air d'être un film fait sur ordinateur, hein, je suis désolé, mais on est arrivé à un niveau d'effets spéciaux assez impressionnant. Et l'ambiance, l'espace, il est magnifique, quoi. Je comprends que James Cameron est... si en plus James Cameron a dit que c'était le meilleur film sur l'espace jamais fait, je suis trop impatient de voir ce film, quoi. Là, j'en peux plus, hein. Il faut vivement le mois prochain qu'on soit dans la salle de cinéma et qu'on voit ce film sur grand écran avec un super son pour être plongé vraiment dans l'ambiance dans l'ambiance qui a l'air assez exceptionnel de l'espace. Voilà, j'ai à peu près tout dit. Donc maintenant, Roxane, qu'est-ce que tu en as pensé de cette bande-annonce ? C'est une bande-annonce, elle en dévoile pas tellement, elle reste vraiment mystérieuse. C'est toujours l'espace, mais ça a l'air d'être un film de suspense aussi. Et il y a aussi une histoire avec la nana, évidemment. Elle a des enfants sur Terre, en gros, et du manque. Une fille. Oui, voilà, une fille sur Terre et du manque. Et voilà. Non, mais il lui manque pas. C'est juste que ils lui disent « Est-ce que vous avez quelqu'un qui vous attend sur Terre ?» Et elle lui dit « Une fille », parce que à mon avis, elle est en très mauvaise position. Et donc, ils se disent « Bon, est-ce qu'il faut vraiment aller la sauver ou alors on la laisse crever ?» quoi. Voilà, donc bon, je te laisse continuer. Donc voilà, t'as tout dit. Hein, t'as rien d'autre à dire ? Ok. Non. Oui, c'est vrai que la bande-annonce en dévoile pas trop, et c'est très bien comme ça, parce que les bandes-annonces qui en dévoilent trop, et on en a marre, voilà, parce que on va voir le film et on sait déjà tout du film, ça, au moins avec cette bande-annonce, on sait pas tout, on veut savoir, donc je vous recommande très chaudement d'aller voir cette bande-annonce. Bien sûr, vous entendrez la bande-annonce en audio à la fin de cette rubrique, et voilà, donc on va passer tout de suite après l'extrait audio de la bande-annonce à la minute nerd. Explore's been hit. Explore, do you read? Explore, over. Explore. Astronaut is off structure. Dr. Stone is off structure. What do I do? Dr. Stone can't pass. No. You must see Pat. If you don't detach that arm, going to carry you too far. Listen to my voice. You need to focus. I'm losing visual of you. In a few seconds, I won't be able to track you. You need to detach. I can't see you anymore. Do it now. GPS is down. Give me a visual. I told you nothing. I see nothing. You have a visual of Explorer. No. You have a visual of ISS. No. You need to focus. Anything. The sun and the earth. Give me coordinates. I can't breathe. Give me coordinates. I can't breathe. You're burning oxygen. You have to sip, not gulp. So where's home, Dr. Stone? Lake Zurich, Illinois. Is there somebody down there looking up, thinking about you? I had a daughter. A little girl with brown hair. Tell her that I'm not quitting. Nous sommes tous des cinéphiles, mais il se trouve que nous sommes aussi des nerds, et de ce fait, nous aimons tout ce qui a trait à cette culture, ce qui a mené à la création de la Minute Nerd, où pendant 5 à 10 minutes, nous ne parlons pas de cinéma, mais de séries télé, BD, livres, jeux vidéo, et toute autre chose qui se rapporte à la culture geek. C'est parti pour la Minute Nerd. Et on est déjà à la dernière rubrique de ce podcast, la Minute Nerd. Roxane va nous parler d'une série, moi aussi, mais on va laisser d'abord la parole à Roxane qui va nous parler d'une série britannique. Qui a été créé par le merveilleux, le magnifique Ricky Gervais. Génie. Voilà, tout à fait. Il a fait The Invention of Lying, qui en français My Third Man. Il a fait Extras, qui est aussi une très très bonne série. Et plus récemment, Derek. Alors l'histoire, c'est simple, hein, c'est comment serait la vie dans un bureau si c'était filmé comme un documentaire. Alors, les personnages. Ricky Gervais, il joue le patron. Il fait vraiment, il fait des blagues toutes plus lamentables les unes que les autres. C'est vraiment marrant. En même temps, c'est marrant. Parce qu'à chaque fois, il se vautre avec ses blagues. Il croit qu'il est drôle, en fait. C'est ça le pire. C'est que c'est un gars. Il pense qu'il est drôle, mais en fait, il n'est pas drôle. Et ça, c'est là tout le sel de cet humour, quoi. Voilà. Et il y a aussi Lucy Davis, qu'on a aussi vu dans Shaun of the Dead. Et elle interprète la réceptionniste, qui s'appelle Dawn. Il y a Martin Freeman, qui est dans Bilbo the Hobbit. Il joue le représentant des ventes, qui s'appelle Tim. Et il y a aussi un acteur qui gagne connu, Mackenzie Crook. Il joue le collègue de Tim, et il se déteste, donc ça donne lieu à des scènes toutes plus improbables les unes que les autres. Je vous dévoile pas, mais voilà quoi, c'est assez comique. Je vous conseille très très très chaudement cette série. Regardez bien sûr pas, enfin je sais même pas si c'est traduit en français. Je sais qu'il y a une série française, hein, qui s'appelle Le Bureau, mais non merci, non pas du tout. Mais ne cherchez pas la version française. Regardez-la en version originale sous-titrée, c'est tellement meilleur. Il y a rien à dire. Je crois même pas qu'elle existe en version française, hein, mais je peux me tromper. Hein, mais de toute façon, on a les DVD en anglais, alors on s'en fiche un peu. Et The Office US aussi, qui est une bonne, une bonne réadaptation de The Office, mais ça a été supervisé par Ricky Gervais, donc c'est normal. C'est pas avec les mêmes acteurs, mais, et la série part un peu différemment, mais elle est très bien aussi. Donc voilà, moi je lui ai fait découvrir cette série et puis elle a apprécié tout de suite. Enfin, moi j'adorais Ricky Gervais à la base et je lui ai fait, enfin d'abord je lui ai fait découvrir Extras. On en parlera peut-être dans une autre minute nerd, qui est aussi une très bonne série. Et maintenant il nous manque plus qu'à voir Derek, hein, mais on va s'y mettre dans pas longtemps. Voilà. Tout à fait. Et ce que je voulais aussi dire, c'est que l'humour de Ricky Gervais, il plaît pas à tout le monde, hein, mais c'est le maître des situations absurdes. C'est vraiment l'humour anglais qu'on aime. Ouais, il est au niveau de Seth MacFarlane, qui crée Family Guy et les gars de South Park, quoi. C'est au niveau de l'humour, c'est vraiment un génie. Donc voilà, t'as fini, Yatamini? Ok. À l'heure où je vous parle, nous sommes à deux jours de la diffusion américaine de l'épisode final d'une des meilleures, si ce n'est la meilleure série américaine de ces 10 dernières années. J'ai décidé de profiter de la diffusion de l'épisode final pour vous parler de Breaking Bad, la meilleure série au monde, alors que tout le monde m'a rabattu les oreilles sur le final de Dexter sur les réseaux sociaux, donc j'en ai rien à foutre. J'ai décidé de parler d'une série dont on a entendu parler en France qu'à partir de la saison 4, et qui n'est malgré ça pas super connue en France, puisqu'elle passe en France sur Arte. Alors voilà, à mon avis, c'est pas là où les gens qui regardent des séries vont en premier. Breaking Bad a été basé sur un concept très simple, mais qu'on ne voyait vraiment nulle part à la série, qu'on voit nulle part à la télévision encore. Hein. Le concept était transformer le héros de l'histoire de good guy à bad guy, de gentil à méchant. Alors là, vous allez me dire que c'est pas nouveau, qu'il y avait déjà des anti-héros dans les séries, mais de passer du gentil professeur de chimie à Tony Montana le truand, cela n'avait jamais été fait. L'histoire de base est celle de Walter White, joué par le génial Bryan Cranston, professeur de chimie, passionné par sa matière, mais enchaînant deux boulots pour subvenir aux besoins de sa famille. Il apprend qu'il a le cancer du poumon et il est inopérable, et il va mourir dans quelques mois. C'est avec ce constat qu'il décide de démissionner de ses deux boulots et pour assurer l'avenir financier de sa famille, sombre dans le crime en se lançant dans la fabrication et la vente d'un stupéfiant, la méthamphétamine. Avec l'aide de l'un de ses anciens élèves, Jesse Pinkman, qui est joué par le très méconnu mais génial Aaron Paul, on va, à mon avis, on va le voir sûrement prochainement dans plus de films, puisque là il était occupé avec Breaking Bad, mais là, maintenant que ça va se finir. Ça va se finir dimanche, à mon avis, on va le voir beaucoup plus dans des films et des séries. Ceci est l'histoire de base, mais plus on va loin dans la série, plus elle devient noire et sombre au niveau de l'ambiance et du contexte de la série. Mais cela la rend de plus en plus addictive au fil du temps, comme la méthamphétamine bleue, la meth. Les scénarios sont faits de la sorte qu'on pense qu'un personnage ne pourra jamais se sortir d'une situation. Les scénaristes poussent tous les personnages à leurs extrêmes, mais on ne sait pas comment ils arrivent toujours à se sortir de la situation d'une manière totalement inattendue et pourtant toujours très logique. Je vous conseille énormément cette série car elle est vraiment originale et très bien écrite, mais pas que, car tous les personnages transpirent d'humanité et de par leurs pensées et leurs actions. Ils ne font pas toujours les meilleurs choix, mais au moins ils les font de façon réaliste, comme tout être humain est amené à en faire dans sa vie. Ils ne sont pas parfaits à la manière d'un Jack Bauer, et comme dans la vie, des fois, les histoires n'ont pas de héros, qui sauvent tout à la dernière minute, et les actions effectuées n'ont pas toujours de conséquences. Cette série est vraiment exceptionnelle, il faut absolument la voir, c'est d'un niveau d'un très très bon film, d'un chef-d'œuvre du cinéma, enfin... c'est exceptionnel, tous les épisodes, il n'y a pas de petits épisodes, quoi. C'est vraiment, à chaque fois, il y a une grosse révélation, une grosse action, un gros suspense, etc. C'est vraiment assez, assez exceptionnel. Il faut absolument voir cette série. Si vous êtes fan d'histoire en général, c'est vraiment génial, génial. Voilà, donc maintenant j'ai perdu mon souffle avec cette série parce que putain, et surtout à l'heure où vous écouterez ce podcast, ben je saurai la fin. ce sera déjà la fin de cette série géniale, et là ben j'en peux plus, j'ai vu l'épisode l'avant-dernier épisode là lundi, et c'est tellement parti par rapport à la saison 1 qui paraît assez petite par rapport à l'ambition à laquelle on arrive dans la saison 5, surtout les derniers épisodes là, c'est vraiment le niveau de suspense et d'action et de tension est vraiment à son comble, enfin voilà. C'est vraiment une série qu'il faut absolument voir. Et c'est tout pour cette minute nerd. On va passer malheureusement à la fin. C'est déjà malheureusement la fin de ce deuxième numéro du podcast Movies Nerd. J'étais votre hôte à travers ce podcast, Axel. Vous pouvez me retrouver sur Twitter à @thelexal. J'étais accompagné durant ce podcast par Roxane. Ce fut un plaisir de faire cette émission avec toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? On peut me retrouver @rookinator. Sur Twitter, faut peut-être le dire, parce désolé. Que si vous cherchez la Rookinator sur Google, je sais pas sur quoi vous tombez, mais bon. Rookinator, c'est Rookinator. Le Twitter de Movies Nerd, c'est @movies_nerd. Le blog pour lire les critiques, c'est moviesnerd.overblog.com. Vous pouvez toujours nous liker sur Facebook sur la page Movie Nerd. N'oubliez pas de vous abonner sur iTunes, c'est très important. Sur iTunes, vous cherchez Movies Nerd et vous pouvez laisser des commentaires. Mettez 5 étoiles, vous pouvez mettre des commentaires de merde, mais mettez 5 étoiles quoi. Enfin, vous pouvez mettre des commentaires de haine, mais au moins 5 étoiles, comme ça, ça nous fait monter notre code de popularité. Et on monte et on a plus d'audience et on partage plus notre passion du cinéma avec tout le monde. Vous pouvez aussi nous poser des questions, ça c'est nouveau, sur le Ask. At Movies Nerd et c'est à peu près tout. Lisez des critiques sur Movies Nerd. J'essaierai d'en poster un peu plus que j'en ai posté ce mois-ci parce que j'ai pas trop eu le temps avec la rentrée et tout ça. Il fallait que ça se passe, etc. Et voilà, ce fut un plaisir de présenter cette émission. Je suis très impatient d'être le mois prochain déjà pour vous parler de tous les films qu'on va voir. Et le mois prochain, on vous fait un petit spoiler, ce sera un spécial Halloween. Avec des films qui font peur. Ils font peur, voilà. Voilà, donc vous savez tout pour nous suivre, nous liker, nous commenter, etc. Et donc, on vous donne rendez-vous pour la prochaine émission le mois prochain. C'est tout. Et n'oubliez pas qu'il n'y a rien de mieux qu'une salle obscure pour profiter d'un film. Bye! Salut! À la prochaine!